On a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais pourtant que ce prochain amour sera pour moi la prochaine défaite. Je sais déjà à l'entrée de la fête la feuille morte que sera le petit jour. Je sais, sans savoir ton prénom, que je serai ta prochaine capture. Je sais déjà que c'est par leur murmure que les étangs mettent les fleuves en prison. Mais on a beau faire, mais on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais pourtant que ce prochain amour ne vivra pas jusqu'au prochain été. Je sais déjà que le temps des baisers pour deux chemins ne dure qu'un carrefour. Je sais que ce prochain bonheur sera pour moi la prochaine des guerres. Je sais déjà cette affreuse prière qu'il faut pleurer quand l'autre est le vainqueur. Mais on a beau faire, mais on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais pourtant que ce prochain amour sera pour nous de vivre un nouveau règne dont nous croirons tous deux porter les chaînes, dont nous croirons que l'autre a le velours. Je sais que ma tendre faiblesse fera de nous des navires ennemis, mais mon cœur sait des navires ennemis partant ensemble pour pêcher la tendresse. Car on a beau faire, car on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux.